Samedi 27 octobre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Jonquière au complexe sportif du secteur Dolbeau. Le coût d'admission, seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut niveau, à faible coût, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbeau Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbeau Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. On va parler avec notre ami Yves Bauduc, chronique de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Salut Yves! Salut Danny! Yves, je veux te parler avant tout. J'ai pas vu les assistances. J'ai essayé de chercher les assistances, mais je les ai pas vues. Semble-t-il que les assistances seraient sorties dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le premier rapport des assistances. Et, tu sais, on disait tout le temps, l'arrivée de Patrick Roy à Québec, c'est au moins 3 4 000 personnes de plus, 4 5 000. Sauf que apparemment, j'écoutais les radios de Québec hier, apparemment que le buzz n'est pas là, puis ça n'a pas augmenté tant que ça. Es-tu surpris? Ah, plus ou moins. Il faut se rappeler que les remparts là, vivent une situation particulière. Ils habitent un amphithéâtre de calibre de la Ligue nationale de hockey, puis les gens de Québec sont déjà allés visiter le centre Vidéotron là, à plusieurs reprises, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Comme on pourra remarquer probablement là, lors du prochain relevé des assistances là, dans le cas de Moncton où eux viennent d'inaugurer un nouvel amphithéâtre là. Mais dans le cas de Québec c'est pas le cas et puis l'effet Patrick Roy ben avec une bonne équipe oui ça va attirer un 3 4 5 000 spectateurs de plus peut-être mais dans le cas présent où ils ont une équipe de 500 qui sont au dernier rang de la division de l'Est. Alors, ça n'a pas d'influence. Moi, je veux dire, je suis surpris parce que je m'attendais vraiment à ça. Parce que Philippe Boucher, c'est pas le gars le plus charismatique. Et Patrick, dans les années des remparts avec Richard Martel au Colisée Pepsi, il y avait 3, 4, 5 000 en plus. C'était carrément ça. Là. Il y avait, les remparts jouaient de 20, 12, 13 000. T'sais, on peut attribuer ça à Patrick en masse. Là, mais ce qu'on dit à Québec, que c'est cher. Sauf que Danny, faut se rappeler qu'à l'époque où il a pris la place derrière le banc des remparts là, à la succession d'Éric Lavigne, il y avait une équipe qui a amené à la Coupe Memorial, il y avait une équipe qui était très compétitive. Là. Et c'est pas ce qu'on a actuellement. Donc, Patrick Roy, c'est un fin renard. Il fait pas de flafla ces temps-ci parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'équipe sous la main. Mais ne doutez pas de lui si jamais il pouvait mettre la main sur quelques pièces qui pourraient lui permettre de remonter au classement et d'être plus compétitif à ce moment-là, il va devenir une figure de proue. Il est dans une année de transition aussi. Là, il a quitté la Ligue nationale. Puis là, il a pris quelques années a fait un pas derrière pour revenir derrière le banc des remparts de Québec. Donc là, il y a un ajustement à faire, même si quand tu as un background de la Ligue nationale, tu as quand même un ajustement. Là, il peut pas se comporter de la même façon avec les jeunes. Puis, moi, je crois sincèrement comme individu également qu'il a changé, de la maturité comme entraîneur. Là. Il n'agit plus de la même façon avec ses joueurs. Donc, moi, je pense que le facteur Patrick Roy n'a pas d'influence dans les assistances actuellement, mais c'est quelque chose qui pourrait revenir. Là. OK. L'équipe, avant de parler de tes points, je veux te parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On est dans le 50e anniversaire de la Ligue junior majeure du Québec. On a dévoilé 1980, je ne sais pas si tu es capable de te rappeler de ces époques-là. L'équipe d'étoiles, Mario Lemieux, Pat Lafontaine, Patrice Lefebvre, Luc Robitaille, Stéphane Lebeau, Guy Rouleau, Dale Hawerchuk, Claude Verrin, Pierre Turgeon, Marc Saumier, je ne me rappelle plus de lui, Marc Fortier, Patrick Aymon, Patrick Lebeau. Les défenseurs étaient Pierre Sivigny, Billy Campbell, Gilbert Delhomme, Jean-Marc Richard, Yves Racine, Sylvain Côté, Normand Rochefort, gardien de but, Robert Desjardins, Corrado Mikhalef, Stéphane Fizet, entraîneur-chef Pierre Kramer, Pat Burns. Il n'y a pas grand oublié, hein, quand tu regardes ça? Oui, bien, il n'y en a pas beaucoup, mais le grand oublié, je pense, de cette QV-là, malheureusement, parce qu'il n'a pas joué dans la Ligue nationale, c'est Patrice Tremblay, un joueur de Saguenay, un joueur local du Saguenay, qui est quand même parmi les meilleurs marqueurs à vie de l'histoire de la Ligue nationale, de la Ligue junior majeure du Québec, qui est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire des Saguenayens et qui n'est pas dans cette liste-là. Malheureusement, comme je te mentionne, probablement parce que la grande majorité, ce ne sont pas tous, là, ces joueurs-là, ont joué dans la Ligue nationale de hockey. Mais il y en a plusieurs, regarde moi, ça. Moi, j'ai vécu ces années-là, Danny, là, et je peux te dire que Patrice Tremblay avec les Saguenayens, là, il y avait un impact qui était aussi grand que celui de Claude Verrette à l'époque des Draveurs de Trois-Rivières et de Michel Bergeron. Là. Donc, Patrice Tremblay, malgré ce que tout le monde dit, là, rendait aussi bon Marc Fortier que Marc Fortier rendait bon Patrice Tremblay. Parce que je regarde ça, tu as Marc Saumier, ça me dit pas rien, ça me dit absolument rien. Marc Saumier, c'est un joueur qui a terminé deux fois au sommet des marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il s'est entre autres mis en vedette là, avec les Chevaliers de Longueuil et également avec les Olympiques de Hull dans le temps de Pat Burns. OK. Mais il y en a Patrick Helmont, ça n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Patrice Lefebvre, ça n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Il y en a plusieurs. Là, Guy Rouleau, qui est décédé aujourd'hui, n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Ouais, sauf que dans le cas de Lefebvre et Desmonts, comme je te mentionne, c'est des gars qui sont dans les meilleurs marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est des gars qui ont joué 5 saisons dans le circuit Courtois, donc automatiquement leur nombre de points est plus élevé que les autres. Moi, ce que je remarque, puis ce qui est intéressant, c'est que de ce groupe de joueurs-là, il y a plusieurs joueurs des Saguenayens, en tout cas, Marc Fortier, Patrick Aymon, entre autres, à l'avant. On a également en défensive Jean-Marc Richard, Gilbert Delorme et Pierre Sévigny, qu'il ne faut pas oublier, là, qu'on passe souvent à côté, mais Pierre qui a joué avec les Draveurs de Trois-Rivières, avec les Saguenayens, pour ensuite diriger les Saguenayens dans les années fin des années 80. Donc Pierre Sévigny était également un très haut choix, Béchard. Ah non, c'est l'autre. C'est l'autre. De petite stature, mais très, très respecté là, dans le circuit. Et l'autre point qu'on pourrait dire qu'un oubli, mais ça n'enlève rien aux trois qui ont été nominé là, dans ce rôle-là au niveau des gardiens de but, c'est que les Saguenayens ont toujours été reconnus comme une pépinière de gardiens. Il n'y en a aucun qui se retrouve là. Et pourtant, dans les années 80, là, on a eu Daniel Berthiaume, on a eu Jimmy Wade. Je pense qu'il y aurait pu avoir un gardien là, parmi cette liste-là. Jimmy Wade, probablement qu'il l'a mis en 90, parce que Jimmy Wade a gagné une médaille d'or avec l'équipe Canada Junior, pratiquement lui de ça. Puis ça, on parle de 87-88, ça, c'est un peu de voyant. On peut dire que c'est un grand oublié là, de Jimmy Wade, surtout Jimmy Wade. Il n'a pas joué dans les années 90, Danny. Il a joué vraiment dans les années 80. Premier choix des Blackhawks de Chicago. Des années 87-88. Ouais. Et ça, c'est un joueur qui il a surtout fait sa marque là, au niveau junior et au championnat mondial junior, mais... Par la suite, là, il y a eu une carrière assez écourtée là, dans la Ligue nationale. Pas eu sa chance dans bien des cas aussi. Il était deuxième derrière des Belfort, deuxième devant Arthur Hirbé. C'est sûr que Mané, quand t'es bon, tu viens qu'à te trouver une équipe, mais quand même. Je veux te parler. Donc, tu voulais me parler des équipes du classement général. Oui, ben avec le week-end des rivalités qui commence ce soir, là, où les 9 matchs là, vont impliquer des équipes qui. Ont des rivalités naturelles, là, Moncton, Batters, Halifax, Cap-Breton, Saint-John, Charlottetown, Québec, Rimouski, Baie-Comeau, Chicoutimi, Val-d'Or, Rouyn, Sherbrooke, Drummondville, Blainville, Boisbriand, Gatineau et Victoriaville, Shawinigan. Mais ce qu'on remarque, là, c'est que le classement général ne comporte pas vraiment de grandes surprises comparativement à ce qu'on avait pensé au début de la saison, où ça se distingue un petit peu. Pas dans mon cas, mais dans le cas des experts qui s'étaient penchés sur le sujet au début de la saison, c'est les Saguenayens de Chicoutimi. Je pense que la majorité des experts avaient mis les Saguenayens dans les bas-fonds du circuit, en tout cas du moins dans les 6 dernières formations. Et les Saguenayens là, sont plutôt, actuellement, je pense, sont 6e au classement général. Donc, ça, c'est un peu une surprise. Et même de mon côté, là, je dois l'avouer, parce que moi, je pensais que c'était une équipe qui serait de milieu de peloton là, dans le deuxième groupe, là, donc le groupe de 7 à 12. Alors, c'est une surprise qui est agréable, tant mieux pour les partisans, tant mieux pour le développement de l'équipe des Saguenayens. Encore une fois, ça prouve que l'organisation est sérieuse, puis dans le développement au cours des dernières années, là, ils ont travaillé fort avec l'ajout de jeunes joueurs. Puis ça, ben la grosse part du crédit revient à Yannick Jean et à ses hommes de hockey, et également à la performance extraordinaire du gardien de but Alexis Schenk, qui connaît un début de saison complètement fou. Là. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit Boutillier qui prenne le contrôle du filet des Saguenayens. Et puis c'est Alexis Schenk là, qui a une fiche de 5 victoires, une défaite, défaite en fusillade, une moyenne de 1.22 d'année et 954 d'efficacité avec déjà 2 jeux blancs. Puis ça, ben 1.22, là, ça le met au premier rang du classement des gardiens de but avec presque un but d'avance par match, ce qui est beaucoup, sur Émile Samson de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc, ça, c'est vraiment. Je pense que si on avait une équipe à pointer comme étant la surprise dans le classement, là, c'est des 5. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir Noah Dobson qui va être échangé au fin. Possiblement que je m'attends, moi, qu'il va y avoir un. Probablement, un Boutier va demander d'être échangé. En tout cas, c'est légitime aussi. Donc. Ça va être intéressant parce que là, il y a beaucoup de spéculations dans le sens que les gens disent les Saguenayens vont acquérir Noah Dobson puis ils vont le transiger immédiatement pour mettre d'autres choix en banque ou ajouter d'autres jeunes joueurs. Mais ils vont peut-être avoir des maux de tête tantôt parce que s'ils se positionnent parmi les meilleures équipes de la Ligue, ils vont peut-être être tentés de garder Noah Dobson pour faire une coupe de ronde de plus dans les séries éliminatoires. Là. Ça serait important de voir là qu'est-ce qui va se passer parce que là, on entre dans la période où les équipes, moi j'aime ça dire que c'est la période de zone de confort, là, c'est-à-dire que les joueurs commencent, OK, c'est sûr qu'on reste ici jusqu'à la période d'échange du mois de janvier, là. Il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais après, là, c'est là que les équipes vont commencer à faire leur évaluation. Puis ça va être le même cas dans le cas dans la division Ouest où les Huskies de Rouyn-Noranda ont presque déjà une quinzaine de points d'avance sur l'Armada de Blainville-Boisbriand. Donc, dans leur cas à eux, là, ça va être le temps de penser à peut-être faire des moves pour aller au bout. Et puis dans le cas de Blainville, de peut-être liquider pour rebâtir. Effectivement. Donc, tu voulais me parler aussi du classement des marquants? Oui, il y a des belles surprises. On parle beaucoup d'Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski, mais celui qui est au sommet des marqueurs actuellement, c'est le Russe Dmitri Zavgorodny, qui est son compagnon de trio, qui a déjà 10 buts et 16 passes pour 26 points, 5 buts en avantage numérique, un différentiel de plus 9. Et ça, c'est un point de plus qu'Alexis Lafrenière et Peter Abandonato des Huskies de Rouyn-Noranda. Chez les gardiens, on en a parlé tout à l'heure, il y a vraiment Alexis Schenk là, qui fait flèche de tout bois devant le filet. Et ce qu'il faudra regarder au cours de la fin de semaine, entre autres, ce sera la séquence des Wildcats de Moncton. Hier, avec une 9e victoire ont permis à cette formation-là là, d'être 9 matchs sans défaite en temps réglementaire, une victoire de 5-2 sur les Sea Dogs de Saint-John. Et l'autre facteur qui sera très intéressant à voir, là, c'est ce soir les Moussels d'Halifax qui, en rendant visite aux Screaming Eagles du Cap-Breton, mettent fin à un début de saison tout à fait rocambolesque de 15 matchs consécutifs sur la route. Ils n'ont pas joué encore un match à domicile. Hey. Ils ont une fiche de 11 victoires et 3 défaites. Ils vont entrer dimanche là, dans leur amphithéâtre rénové là, à Halifax. Alors, vous pouvez imaginer là, qu'il leur reste seulement que 20 matchs à jouer sur la route d'ici la fin de la saison. Alors, tout un avantage pour les Moussets qui sont au premier rang du classement général en pause. Et les Canadiens de hockey sont très bien classés aussi. Je pense qu'ils sont deuxième ou troisième. Je ne t'en ai pas parlé, Yves, mais tu es quand même t'es très connaisseur. Tu dois être en mesure de me parler. L'équipe de Lévis dans les Midget 3, là, t'es vaincu? Oui. Es-tu là? Non, ça a coupé, Daniel. Oui, OK. Donc, l'équipe Midget 3 de Lévis, là, qui est invaincue, c'est toute qu'une équipe. Oui, c'est une formation qui est très bien dirigée par, d'ailleurs, un ancien entraîneur adjoint des Saguenayens. Et cette semaine, ils ont égalisé une marque de 16 victoires consécutives en début de saison dans la Ligue Midget 3A. Ils vont tenter de le battre, je pense, ce soir. Et ils attaquent également sérieusement là, une séquence dont j'ai participé dans ma carrière au niveau hockey, puisque j'ai occupé le poste de directeur général des riverains du Collège Charlevoix fin des années 90. Et c'est nous qui avions la séquence de 25 victoires consécutives en saison régulière. Et ils attaquent sérieusement cette séquence-là là, avec leur séquence actuellement. OK. Donc, Yves... Quand on dit qu'il n'y a pas de record qui peuvent être battus, Danny, là, je pense que... Il y a toujours des formations qui sont capables de le faire. Wayne Gretzky a 92 buts. Je ne suis pas sûr que ça va être battu. Après ça, je pense que c'est notre vivant. On verra. Il y a toujours des surprises dans le monde du sport. Si tu me permets, Danny, je vais terminer avec un petit segment que j'aimerais installer là, dans nos chroniques éventuellement au niveau des éphémérides, parce qu'on sait que c'est le 50e anniversaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette année. Alors, en date d'aujourd'hui, là, le 26 octobre, en 1983, il y a Justiné Provencher des Castors de Saint-Jean qui avait établi un record d'équipe en marquant 5 buts dans un gain de 11-6 des Joannais sur les Voltigeurs de Drummondville. Alors que dans l'histoire des Saguenayens, en 1973, le 26 octobre, au Centre Georges Vézina, devant 2238 spectateurs, l'équipe qui était dirigée par Germain Munger là, avait pris la mesure des Draveurs de Trois-Rivières 8-3. Jean-Paul Leblanc avait marqué 2 buts en plus de récolter une passe. Et le gardien de but, Richard Gay, là, avait hérité son 3e gain de la saison. Les Saguenayens qui avaient complètement dominé les Draveurs 53-35 au chapitre des lancers. C'était à leur première saison dans le circuit. Oui, c'est ça. C'était ma question, mais tu viens de répondre. C'était ta première saison. On s'en parle, my friend, dans deux semaines, Yves. Puis après les fêtes, on va commencer à toutes les semaines. Mais d'ici les fêtes, il y a beaucoup de football avant les fêtes, tu comprendras. Fait qu'on s'en parle, on va s'en reparler dans deux semaines. Yves, pas de problème, Nani. Bonne semaine. Yves Bolduc, notre chroniqueur de la LHJMQ